Le 11 courant, la 15e action pan-nationale a été déployée sur toute l'étendue de la Corée du Sud pour la démission immédiate de Park Geun-hye, sous les auspices de l'Action populaire extraordinaire pour le retrait du pouvoir Park Geun-hye. Plus de 806 000 habitants de différentes couches sont sortis dans les rues, les bougies dans la main.